suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le sentiment océanique, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a ces jours qui se ressemblent de plus en plus. L'envie de marcher le long du bord de mer et cette mystérieuse attraction pour l'océan formulée par Romain Rolland qui fait que l'on aimera toujours regarder un coucher de soleil sur la mer. Alors pour commencer, les personnages. Un musicien du coin, une ostréicultrice exténuée, des marins avec de la mémoire, un sémaphoriste prudent, un botaniste du rivage et un kitesurfer en 3 dimensions. Ensuite, le décor. Un violoncelle, un naufrage, des bateaux, des passages, un banc de sable, des moteurs, la houle et le mouvement, un ria, le danger, un grain, le vent, du plancton phosphorescent et un vieux bateau au repos. Aujourd'hui, 3e épisode, on est au café. Un soir de décembre, Vincent Courtois, fameux violoncelliste, est assis dans un rade de Belleville à Paris. Il m'a appelé pour discuter océan. Une bien étrange conversation s'installe. Il me parle d'Ethel et d'Ethel. Il décortique son attachement à la pêche au bar, au tourbillon du pont Le Roy, dont il faut se méfier quand il sort son petit canote. Il me parle des anciens, des anciennes, d'une rivière, d'un sémaphore, d'une barre très dangereuse, de mort. Jusque-là, ce serait une histoire bretonne fascinante parmi des milliers d'histoires bretonnes fascinantes. Ethel, c'est toute mon histoire revient toujours à un moment donné à Ethel. Moi, je suis parisien, je suis du nord-est parisien, précisément. Et un jour, enfant, j'ai découvert Ethel, la barre d'Ethel, et cet endroit très particulier. Et cet endroit, c'est devenu mon endroit. Là où je sens que c'est toute mon histoire, à un moment donné, se retrouve toujours là. Et c'est l'endroit où je reviens. Mais voilà, toute amitié bu, Vincent Courtois ne m'aurait pas convoqué pour parler océan à Belleville, un soir de décembre, sans qu'un paysage ne se cache par-delà la conversation, par-delà les mots. Sans doute un sentiment très ancré, un sentiment océanique décrit par Romain Rolland et qui peut survenir sans crier gare, par exemple, en observant un paysage ou en écoutant de la musique. Et puis aussi, c'est un endroit, Ethel, qui est protégé ou enfermé, selon comment on se place, par un banc de sable à l'entrée, qui s'appelle la barre d'Ethel, et qui protège les Ethelois et aussi tous les gens qui habitent autour de cette ria, c'est un bras de mer. Vincent Courtois décrit un point précis. Un endroit où les unes et les autres se rendent plusieurs fois par jour, juste pour observer la puissance des courants. Je comprends que peut-être il se joue là quelque chose de très étrange. Je pars avec des micros, je m'installe au sémaphore, je suis le rythme des quarts de veille, je remonte la rivière, je rencontre les habitants. Je reviens avec des questionnements. Et puis je fais écouter à Vincent son paysage. Il prend son violoncelle, il répond, il écoute Ethel. Ethel ou l'attraction du bord de mer. Est-ce que tu connais Ethel et peut-être la rivière d'Ethel ou la barre d'Ethel? Est-ce que toi tu connais un sémaphoriste ou une ostréicultrice ou un garde du littoral, un kitesurfer, peut-être un ancien marin? Qu'est-ce que tu sais, toi, du sentiment océanique? sémaphore du tel, sémaphore du tel de Saphir, Saphir. Oui, Saphir du sémaphore, je vous écoute. Bon ben voilà, on est à la perche rouge. Voilà. Oui, je vous vois arriver, je vous laisse la dépasser, je vous prends en charge. Votre destination ? On va sur l'Orient, on rentre. D'accord, bien reçu. Donc vous êtes le premier, hein, Saphir. Saphir le premier, en second on a Aventurine et le troisième c'est Corail. D'accord, bien reçu. Donc pour les deux autres bateaux, Aventurine et Corail, vous suivrez Saphir. Donc Corail, pour le moment, vous continuez droit comme ça. Bien reçu. Je m'appelle Jean-Pascal Le Yarrick et je suis sémaphoriste au sémaphore d'Etel en Plouinec. Corail du sémaphore, vous continuez toujours droit comme ça. Bien reçu. Droit comme ça, Saphir. Bien reçu. Corail du sémaphore d'Etel, vous allez pouvoir prendre votre cap, vous êtes sorti, il n'y a plus aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne navigation. Ok, bien reçu, merci, bonne journée à vous. Merci de même. Alors, ça veut dire que la barre en elle-même, elle résiste à tout cet océan qui est derrière ? La barre, c'est un banc de sable qui se déplace au gré des vents et des courants. Parfois, on l'aperçoit à fleur d'eau, parfois un peu plus, parfois pas du tout. Ce sont les vagues qui nous indiquent son emplacement, souvent. Le sémaphore qui est à côté, à la barre d'Etel, permet de dire si on peut sortir ou entrer dans la rivière d'Etel. C'est un endroit extrêmement dangereux. Il y a eu des morts à cet endroit-là. C'est un endroit où on est... Bombard a essayé un canot de sauvetage avant de le mettre en fonction. Ça a été assez dramatique. On ne joue pas avec la barre d'Etel. Elle nous rappelle toujours que la nature est plus forte. Et son existence en est la preuve même, parce qu'elle a beau être mue par les vents et les courants, elle est toujours là et elle résiste. Elle est toujours là, toujours là. Tiffany Von, ostréicultrice sur la ria d'Etel. C'est la barre qui est vraiment le lieu d'interaction de ces deux mondes. L'océan, parfois placide, calme, parfois complètement déchaîné, et puis la ria, les ports qui s'y trouvent, ces abris, ces lieux de vie. La barre, elle est prise entre deux feux, mais c'est ce qui lui a d'ailleurs valu naissance. Hein. C'est tout ce jeu des sédiments, de la dérive littorale, des courants, à la fois du flot, du jusant, et la contradiction de ces deux masses d'eau, océanique et puis l'eau de la ria, qui sont à l'œuvre et qui ont donné naissance à la barre. Et maintenant, la barre, elle, au contraire, c'est le trait d'union entre ces deux mondes qui peuvent être tantôt tous les deux apaisés et où tantôt il va y avoir ce gouffre d'ambiance et de ces deux mondes, quoi. C'est deux mondes qui relient deux mondes. Yawen Sabo, garde du littoral. Sémaphore d'Etel de Marie Max 2. Oui, Marie Max 2 du sémaphore, bonjour. Ouais, bonjour, et comment la barre ce matin? J'ai un petit mouvement de houle là qui commence à se lever de plus en plus. C'est praticable d'après toi ou pas? Oui, il n'y a aucun problème, hein, mais privilégier la sortie dans l'axe ou côté ouest plutôt que dans l'est. Ouais, ok, bah je vais prendre plutôt ouest, dit. Ouais, plus cap sur les Birvido, légèrement à droite des Birvido plutôt que d'aller complètement dans l'est là-bas, parce que ça roule un peu. Ouais, ok, bon, bah, je vais les voir et puis je te demanderai de l'aide s'il y a besoin. Ça marche. Peut-être quand ça va descendre. Oui, je crains que ça creuse quand ça va descendre. Pourtant, ils annoncent une boule mollissante dans la journée, mais on reste à quand même autour du mètre, donc faudra faire gaffe. Ouais, ben je vais voir. S'il y a trop de mer, je fais demi-tour. Je t'en remercie. De rien. Cap sur le Zodiac. Je sais pas si tu vois sur ta droite, légèrement sur ta droite. Deux personnes dedans. C'est ça. Ok, il a passé là. Il a passé là, ouais. C'est là le mieux. En plus, on est face aux vagues et pour rentrer, on a la houle par l'arrière. Donc, avec la puissance que vous avez, il n'y a aucun problème. Ok, bon, moi je fais cap dessus. S'il y a quelque chose, tu me corriges. Ça marche, pas de problème. Merci de même. Habiter le littoral, c'est aussi être un peu entre deux mondes, à la lisière de quelque chose. Il y a une forme d'ambiguïté aussi. On serait quoi habiter le littoral ? Est-ce que ça serait le contraire d'un dépaysement ? On pourrait presque parler de paysement. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. François, patron et Miss Daniel. Ah oui, bien sûr. Vincent. Voilà. Très bien, enchanté. Moi je suis pâtissier, j'ai pas compris qui vous étiez. Ça, alors on peut remettre. Patron Émile Daniel. Patron Émile Daniel. Oui. Votre stage. Ah d'accord. Meilleur. Génial. Mais ça va être. Le meilleur, je vais vous dire, c'est le bateau qui parle là-bas. On va aller le voir. Et vous viendrez le voir. Parce que c'est pas moi qui parle, c'est lui. Ouais. C'est toute une histoire, ce bateau. Le bateau qui est là-bas, là. Ouais, le bateau. On est allé voir, mais c'est fermé, là. Ah, oui, parce que vous savez, là-bas, c'est comme partout, il y a des pirates. Mais non. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais. Le patron ami Daniel, c'est toute une histoire, une longue histoire, une triste histoire. Il y a eu 9 noyés, 5 du canot, des gens que je connaissais bien. Et 4 du bombard, ça faisait 9, quoi, vous voyez. Ouais. Ah, il y avait aussi beaucoup, ouais. Ouais, ouais, c'était une triste histoire. Il a voulu essayer de mettre son canot à l'essai sur la barre des telles et ça tournait au drame. Ah, il a été présomptueux, ce qu'il avait dit. Ouais. Il avait déjà traversé l'Atlantique, c'est pas la barre des ailes qui lui faisait peur. En fait, il connaissait pas du tout le coin, quoi. Il savait pas ce que c'était que la barre avait eu mauvais temps, quoi. Et puis voilà. Alors il y a tout un. Sachant qu'il entraînait derrière lui, bateau de sauvetage, remorqueur, et puis les gens du canot. Et les gens du canot. Du radeau, ouais. Bon, c'est dramatique. Il y avait tellement de monde à l'eau. Tout le monde voulait être récupéré. Et il faisait mauvais. Et sur le pont, il y avait des bouts, des haussières, vous savez, qui traînaient un peu. Ces haussières-là, ils sont partis à l'eau, ils sont partis dans les hélices. Ah oui, ouais. Ils ont bloqué les moteurs. Alors, plus de moteurs, vous voyez, comme une voiture. Il y avait des paquets de mer partout. Donc, vous voyez, ça passe par en dessous et ça a bloqué les hélices, bloqué les moteurs. Plus de moteurs, plus de bateau. Ouais, plus de bateau. Le bateau s'est mis en travers de la vague et tout le monde en l'air. Il s'est mis sur les cailloux en face, côté... Ouais, côté Plouinec. Côté Plouinec. D'accord. Ouais. Ah oui, oui. Vous étiez sur le bateau ? Non. Non. Quelle chance. Donc le bateau, il s'est renversé, parce qu'il est venu en travers de la vague. Vous voyez, il y avait des gros rouleaux. Donc le bateau s'est retourné. Ceux qui ont réussi à sortir, par exemple, on va parler du cas de le chef mécanicien, le Formal Maurice, parce qu'à cette époque-là, ces genres de bateaux, la manœuvre de la machine se faisait pas à la passerelle. Il n'y avait pas de passerelle. Se faisait à la machine. On lui disait en avant, c'est le mécano qui faisait en avant, qui faisait en arrière, vous voyez. Donc, ceux qui étaient, enfin, il y en avait lui toujours à la machine, il n'a pas pu sortir, quoi. Ceux qui étaient sur le pont. Ils ont été tués, eux. Ouais. Ah, ouais. Ils avaient retrouvé le corps de Maurice. Ils ont trouvé le corps de Maurice. Il a été tué, en fait. Il n'est pas mort noyé. Alexandre s'en est tiré. Parce qu'à cette époque-là, c'était des vulgaires gilets de sauvetage. C'était pas ce qu'on a maintenant, vous savez. Maintenant, vous voyez, là, ils s'amusent sur la barre quand il y a des tempêtes. Ils sont là en train de faire des loopings. Ça passe. Mais à cette époque-là, ça passait pas. Ils ne se rendaient pas compte, quoi. Ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était vraiment. Quand il y a des rouleaux, ça entraîne pas seulement que de l'eau, ça entraîne du sable avec. C'est-à-dire que quand le soleil donne dans les rouleaux, on voit le sable à travers. Donc, non seulement le mec, il prend de la flotte, mais il prend du sable avec. C'est-à-dire qu'une déferlante avec de l'eau, ça fait déjà mal, mais une déferlante avec de l'eau plus du sable, oui. C'est du béton. Hein. Mais ça, bien sûr, on va descendre sur le pont. Oh, je vais te faire voir les bateaux. Allez, on va voir les bateaux. Oh, c'est génial. Ouais, c'est super. Est-ce que toi, t'es mérien, mérienne ou terrien, terrienne? Est-ce que tu manges du thon, du bar? Est-ce que tu manges des huîtres? Est-ce que t'as déjà navigué au milieu du plancton? Les huîtres sont sur les parcs. À quelques mètres dans l'eau, on accède uniquement à basse mer, c'est aller faire la marée. C'est sur un laps de temps court, entre 1 à 3 heures, ça dépend des jours, du coefficient de marée, du vent, des hautes pressions ou des basses pressions. Ça dépend aussi beaucoup de la barre d'étel, de son bon vouloir. Si on a un grand coefficient, par exemple 103, un petit coefficient c'est par exemple 50, il arrive qu'à un coefficient 103, la marée ne descende pas, tandis qu'à un coefficient 50, elle descend. Tout est soumis à ce régime-là. On est complètement dépendant de cette barre-là. Est-ce que tu as déjà navigué sur un chaland au beau milieu des huîtres? Devant nous, il y a le bassin submersible, duquel dépassent les cages dans lesquelles on a les huîtres. On voit le petit bateau avec lequel on va au gros, qui est en ce moment au chantier naval, donc on ne verra pas le chaland avec lequel on travaille. Sur l'autre rive, on aperçoit les pins, quelques maisons dispersées, un autre chantier ostréicole. C'est tout près, et c'est très loin parce qu'on ne peut pas y aller à pied, donc on est obligé d'avoir un bateau. De temps en temps, on entend un petit bateau de pêche passer, donc il y a pas mal de, à pleine mer comme ça, il y a pas mal de bateaux de pêche à une ou deux personnes qui se posent, qui se laissent dériver au courant pour pêcher le bar ou la dorade. Ça nous arrange bien quand ils pêchent la dorade, parce que la dorade est un prédateur de l'huître. Toutes les dorades royales, on les mange avec un grand plaisir. Ça évite de nourrir nos petits mollusques qui nous servent à vivre, en fait. L'huître ne peut s'élever qu'à la rencontre des eaux douces et des eaux salées. C'est pour ça que les rias, les estuaires, les fjords, etc. Sont des endroits favorables à la naissance des huîtres. Il faut, pour une huître, avoir sa nourriture pour qu'elle puisse exister, c'est-à-dire le plancton. Le plancton se développe avec les nutriments, les sels minéraux, le soleil, la photosynthèse. Le plancton, c'est la nourriture de l'huître. C'est aussi le poumon d'oxygène de la Terre. Sans plancton, on ne vit pas. Et l'huître qui se nourrit de ça voit son goût évoluer. Parfois, j'ai du mal à suivre le rythme de ce travail. Les tâches répétitives me tue. Je ne peux pas rester des heures au tapis, j'ai besoin de m'occuper les mains autrement parce que j'ai déjà fait des marées que j'ai fini en pleurant tellement j'avais mal au dos, mal aux genoux, enfin, c'était très fatigant. C'est tellement dur parfois, que j'ai envie de partir et de m'échapper. Je me dis qu'on devrait travailler uniquement de septembre à mars, et puis de mars à septembre, on devrait pouvoir aller parler aux poissons, enfin faire autre chose. Mais il y a toujours à un moment donné un recentrage qui est nécessaire pour se rappeler qui on est et pourquoi on est là. Que c'est un sentiment inhérent à l'océan. Qu'il y a quelque chose de hyper réel, de hyper concret ou de complètement éthéré. Comment un pêcheur peut écouter ? Est-ce qu'on pourrait quantifier ce sentiment ? Mais alors, avec quelle unité ? Est-ce qu'on peut le sonder avec un canot de sauvetage ? Bon, bah c'est bon, vas-y, lance. Bon, mais elle sera calme aujourd'hui. Ça va aller. La 205 du grand. Ouais, bonjour, bonjour à tous. C'est pour vous prévenir que la 205 est en appareillage pour aller faire un sondage de la barre. Ouais, c'est la 205 du cross, hein. J'ai compris que vous appareillez pour aller sonder la barre, c'est correct ? Affirmatif. Ouais, du cross, c'est tout bien pris, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous larguez le boulot ? Allez, on largue tout. Arrière, devant, derrière. La garde était enlevée. Ouais, c'est enlevé. Oh, nice. C'est pas comme ça, j'y fais. Pas tout de suite, va chercher un peu plus encore sur le R. Ok. Voilà, tu passes sur le... Ah, juste la passe là, viens. Ah, je suis juste, je viens de la passer, je l'allonge. 4,60. Alors, je viens dessus, 3,80. 4 mètres. Ah, tu vas aller toujours dessus, 4,50. Combien là ? 7,60, je n'ai pas encore passé. Stop, j'ai passé. Bon, je reprends sa trace quand même, faite. Elle est reçue. Tu repars comment? Tu repars bientôt? Tu repars sans prévenir? Ou est-ce que comme Yawen, tu restes bien ancré et tu gardes le littoral? Le sémaphore, un lieu emblématique qui se voit à des kilomètres à la ronde. Sur la plage du Linès, qui est située quand même à quelques kilomètres d'ici, on voit le sémaphore. On est de l'autre côté de la Ria, on voit le sémaphore. Au fin fond de mes zones humides, sur des suivis d'orchidées, je lève la tête, je vois le sémaphore. Donc lui, il est clairement indissociable du paysage. Et il y a un petit peu une force qu'on peut retrouver dans des lieux qui sont chargés d'une certaine énergie, et là, en l'occurrence, ça va être la houle, le vent qui véhicule cette énergie-là. Le sémaphore, c'est un peu le roc qui est là, qui va résister, quoi, qui va guider. Donc, c'est aussi la lumière pour les marins. C'est aussi une question de vie ou de mort quand on prend la mer. Et puis, c'est un repère dans le paysage. C'est la maison, quoi. Je pense qu'une semaine sans voir là-bas, en fait, en 4 ans, je ne pense pas que ça me soit arrivé. Au-delà de la veille, au-delà du travail où on se doit d'inspecter le site, de voir si tout marche, c'est une ambiance. Et puis, ce serait compliqué de s'enlacer. Vraiment compliqué. Et la barre est assez révélatrice. C'est un symbole, quelque part. Mais c'est aussi l'exemple parfait du temps qui passe, qui s'écoule. Le banc de sable va évoluer, tout ce qui l'entoure va évoluer. On a quelques points de repère solides qui, bon, hormis à l'échelle géologique, vont bien sûr bouger, mais à l'échelle d'une vie humaine, Groix restera à Groix et Belle-Île à Belle-Île. Mais tout bouge autour. Un jour, vous allez avoir la digue complètement découverte, vous allez voir les rochers, vous revenez la semaine d'après, le banc a bougé, et vous allez avoir un paysage qui est certes reconnaissable, mais différent. J'avoue, pendant les vacances, je fais un break. Et je favorise des milieux, à l'inverse, plus fermés, du bocage, de la forêt. Ah, puis c'est pas forcément vrai tout le temps, parce qu'au final, les vacances, on n'est pas au travail, on revient quand même, on retrouve ces paysages qui nous sont chers, parce que on retrouve ces ambiances. Ça fait partie du métier, mais au-delà, je pense que ça imprègne l'individu. Peut-être que ça le déteint sur nous. Sûrement. On est au travail, on a une vigilance qui du matin au soir, on est vigilant sur les usages, sur les espèces, sur ce qui se passe autour de nous. Mais une chose qui est inhérente au site, et du fait des perspectives, du large, c'est vrai que la pensée s'évade. On a des moments pas d'absence, mais de qui amène effectivement à s'échapper. Ça va être 10 secondes, 30 secondes, une minute. Et c'est quasi quotidien. On sera beaucoup plus sujet à ça l'hiver, dans des moments où on est seul sur la plage, perspective libre et sans personne autour, vraiment dans la nature. Et là, oui, ouais. La pensée peut s'échapper un peu. Ouais. Sentiment ou une sensation? C'est une exposition? Une exposition physique? Tu fais quoi aujourd'hui? On pourrait passer de l'autre côté pour être sur la rivière et on pourrait lever une aile et utiliser le courant qui descend pour... C'est un tapis roulant en fait. Hein. Puis on se ferait emmener gentiment ici sur la barre et puis on pourrait faire mumuse un peu dans les vagues. Ouais, bah moi c'est Vincent Hino, je suis prof de PS, prof de sport. Je m'occupe du club de kitesurf d'Etel. En fait c'est une sensation parce que moi je faisais beaucoup de voile, planche à voile, tout ça. Et on est dans le plan, avec la voile, il y a le mât, et voilà, il y a la baume qui permet de travailler dans un plan. Et en kitesurf, en fait, on travaille dans un volume. Donc c'est complètement incroyable, on a un mouvement possible à 360 dans toute une fenêtre de vol, là, un truc qui est une espèce de dôme, quoi. Et on joue avec ça, et on a une puissance incroyable assez vite, quoi. C'est vraiment complètement bluffant. Passer la barre, c'est passer de la rivière, du calme, de l'abri à l'extérieur, à l'océan, où on est dans un endroit qui est plus exposé. Après, c'est un moment un petit peu où on doit être attentif en tant que marin, parce que du coup, il y a pas mal de dangers potentiels. Il faut surveiller un petit peu les trajectoires, vérifier qu'on dérive pas trop. C'est assez variable, c'est tout un exercice. Kitesurf, c'est du cerf-volant à planche. Au lieu que ce soit une voile avec un mât, une baume et tout ça, c'est un cerf-volant de traction très, très fort qui nous propulse avec au pied, on peut mettre soit une planche qui va dans les deux directions et après on peut utiliser des surfs. Maintenant il y a tout ce qui est foil, donc on peut faire du kite à foil, donc voler en plus. Donc on a déjà un truc qui vole dans les mains et en plus nous-mêmes on vole puisqu'on est sur une espèce de planche qui permet de s'élever à peu près à un mètre au-dessus de l'eau et puis d'avoir quasiment aucun frottement, de faire des angles incroyables au niveau des trajectoires et d'avoir des vitesses complètement folles puisqu'il n'y a quasiment pas de résistance au niveau de l'eau, quoi. Ça c'est fou, hein. Donc ce qui est rigolo sur cette pratique, c'est qu'elle nous met dans le réel, dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et qui est assez incomparable. Ça, on se vide la tête aussi de tout le reste. On est vraiment centré sur voilà, où je suis en train de prendre une vague, de regarder ce qui se passe, etc. On est vraiment ouvert à l'instant. Et ça, c'est assez incomparable comme sensation, me semble-t-il. Sémaphore est-elle pour le voilier Simi? Simi, bonjour. Oui, Simi du sémaphore, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour avoir les instructions pour sortir de la rivière. Oui, c'est vous le voilier bleu qui arrivait en sortie au niveau de l'espace? Oui, affirmatif. Je vous laisse le dépasser, je vous prends en charge. Très bien. Simi du sémaphore, votre destination, s'il vous plaît. Simi du sémaphore d'Etel, votre destination, s'il vous plaît. Nous remontons sur Loch Michelic. D'accord, bien reçu. Donc vous allez rectifier un petit peu sur votre droite, légèrement. Voilà, correction un peu sur la droite. Simi du sémaphore, corrigez encore un peu plus sur votre droite. Voilà, correction sur la droite. Simi du sémaphore, vous allez rectifier sur votre droite et viser la pointe des Chats, la pointe sud de l'île de Groix. Correction à droite sur la pointe des Chats. Simi du sémaphore, vous êtes sorti, c'est terminé pour le sémaphore. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne navigation. Très bien, bah merci. Bonne journée. Dans mon retour dans 2 mois. Au revoir. Il a ouvert, on n'a pas la même clé. Tiens. Ah, voilà. Vous voyez? Alors ça c'est un canot. Un canot tout temps, vous voyez, par n'importe quel temps, c'est un bateau qui a la possibilité de sortir. Tous les bateaux ne sont pas tout temps, mais lui c'est un bateau de tout temps. Mais là il est enfermé? Bah oui. Enfermé, oui, mais il nous faut entre 5 et 7 minutes pour la mise à l'eau. Comment ça marche? Je te fais une démonstration. Bien, allez. C'est parti. C'est un peu exceptionnel. Hein. Si je le fais, c'est gentil. Hein. Ah, ça oui, alors. Ah, oui, alors. Ouais, c'est gentil. Ouais. Bon, Vincent, j'aurais besoin de toi. Ouais. Tu vas m'aider. Ok. Allez, tu te mets là et tu tournes. Allez, viens. Mets tes deux mains si tu veux. Allez, on y va. Allez, je vais te dire ça. Allez, je te laisse tourner un moment. Je sais que tu es un costaud. Encore. Ça va durcir, hein. Ça va durcir. Toujours. Encore. Encore. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Vas-y, encore, encore, encore quelques coups. Ne lâche rien, surtout ne lâche pas, surtout ne lâche pas. Encore, encore, encore un coup, encore une fois, encore, encore. C'est un costaud, encore un coup, c'est bon. Lâche. Ouais, tu lâches, tu risques rien. Tu risques rien. Bien, enfin voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de moteur pour le mettre à l'eau, c'est tout. Pour le mettre à l'eau, tu vois, ça dépend de la marée. Je pense que ça devrait y aller. Alors là, maintenant, tu vois, ça y est. J'ai oublié quelque chose. Dans la précipitation. Hop là. Les cales. Voilà, c'est pour ça, c'était pour l'empêcher de bouger. Et c'est parti. Tu navigues la nuit ? Tu surfes la nuit ? Ça a l'air de rien avoir avec la croyance. Pourtant, il y a comme quelque chose de vertical, peut-être une ascension, ou peut-être complètement à l'envers, quelque chose de l'exploration des profondeurs, ou peut-être tout ça en même temps. C'est quoi ? Une troisième dimension ? Un tourbillon ? Tu veux ajouter quelque chose ? Allez, t'y fais, cap à l'ouest. On va chercher la balise là-bas. D'accord. Tu la laisseras à bâbord. Je laisse à droite. D'accord. Qu'est-ce que tu demanderais aux ostréiculteurs Jean-Noël et Tiffen ? Mets au point mort et coupe le moteur. Il y a eu quelques marées de nuit. Ce sont des marées d'amoureux qu'on fait quand on n'a pas le choix, quand par exemple la marée n'est pas descendue dans la journée et qu'il nous faut des huîtres. Donc on va pêcher les huîtres. Il y a pas... Les bruits sont très différents la nuit du jour. Il n'y a plus ce ronronnement permanent, les oiseaux se sont tus. Il y a juste un bourdonnement lointain, très très lointain. Il y a la lumière de la lune qui nous permet de trouver notre chemin dans le parc. On descend, on pose les pieds dans l'eau, on met les poches sur le chaland. Et au moment où on pose les poches sur le chaland, on entend le boum de la poche, mais on voit des milliers de petites étoiles qui brillent. Et c'est le plancton phosphorescent. Et là, c'est magique. Dans ces cas-là, moi, j'ai tendance à tout laisser tomber, à regarder juste les étoiles briller et écouter le bruit de l'eau qui s'écoule sur le pont du chaland. Il y a des petites gouttes comme ça qui... C'est complètement... C'est comme une musique. Donc il y a les étoiles, la musique, c'est vraiment très particulier. Ces marées-là, elles sont précieuses à mes yeux. Tu prépareras le truc à l'avant. Ok. La tribord, s'il te plaît. Tiens, vas-y, pique. Ouais, je vais voir si j'ai... On va être juste encore. Ouais. Je vais aller de l'autre côté de toute façon. C'est bon, c'est large. Ok, je suis au genou. Fais attention. Ouais, s'il n'y a pas des trous. toute la rangée jusqu'à ce que ça plonge. On va lever de longueur. Ok. Est-ce qu'il y a une sorte de détachement? Est-ce que quelque chose monte en intensité? Est-ce que t'as pas peur de ronger les amarres? Est-ce que t'as l'impression de partir sur l'intérieur? Tu pars sur l'intérieur. La nuit, je dormais plus, en fait, avec ça. C'était fou, ouais, c'était incroyable. Et tout retournait, tu dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? tu bouges ton aile, donc tu crées du vent en la déplaçant. Selon là où elle est dans la fenêtre de vol, t'as une puissance incroyable ou inversement, rien du tout. Donc c'est ce on-off, là, quasiment instantané. Mais en fait, tu cailles toute la nuit, quoi. C'est incroyable. Fais ça la journée, puis le soir, voilà, tu continues à faire du kite pendant que tu dors. C'est le, je pense, la découverte de la troisième dimension, quoi, en fait, qui était un vrai choc culturel pour le voileux. Enfin, si tu fais du kite la nuit, en fait, envie le lendemain, t'as qu'une hâte, c'est de retourner sur le truc, et puis tu découvres une nouvelle étape. Et je me souviens très bien encore de ces moments-là. Ouais, c'est très, voilà. Bien. Et bah ça alors. Ouais. Ah ça alors, oui, c'est une belle histoire. Ah ouais, ouais, ouais. Regardez ce bateau. 55 ans. Ouais, ça n'a pas été une petite histoire de remettre tout en route. Ouais. Tout était en mauvais état. Hein. C'était, il fallait voir en quel état. Tu vois, il a fallu refaire tout ça. Ça fait partie de la mer. Ouais. Ça fait partie. C'est l'histoire d'amour. Pas sans les gagnettes. Pas rien. Ouais. Ouais. Ah, puis sur l'eau, il a une ligne. C'est un bateau tout bois, des membrures. Faut voir comment il est travaillé. Il fait 20 tonnes. Je ne voudrais pas arrêter. Je m'emmerde. Il y a une limite à tout, mais j'essaye, quoi, tu vois. Ça me tient. J'ai l'impression que ça me tient. Quand je vois. Et même mes copains, là, tu sais, il y a du monde qui est partout. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Tu sais. Ah ouais. Tu vois, le bateau a été accidenté, mais. Il est toujours là. Il est toujours là. Tu vois, même là, tu vois, quand j'arrive là, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. À la maison, je dis, je vais voir le bateau. Je lui ai beaucoup donné, mais en revanche, il. Quand j'arrive avec lui, c'est un bateau qui me parle. Il me parle. C'est mon copain. C'est mon copain. Vous voyez, Ouais. Ah ouais. C'est mon copain, vous voyez, voilà. Et le patron Emile Daniel, voilà. Je me demande sans lui si... S'il fallait repartir, je repartirais. Ah, mais... Je repartirais ? Oui, tout de suite, mais... Il n'y a plus de bateau. Bah, je navigue toujours. La nuit, je navigue encore. 86, bientôt, je navigue encore. Et je vois les gars et moi. Je mets encore en route et tout. Oh, c'est génial. Hein, c'est... Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un point fixe, d'un sémaphore, d'un port, d'un refuge, d'un bateau, d'un cerf-volant, d'une embarcation ? Est-ce que depuis longtemps, comme Yawen, le garde du littoral, tu es en débat avec la mer ? Mais il y a un cargo là-bas. Il est loin, on distingue juste la silhouette à l'horizon. Ça se dessine comme ça un petit peu. Donc on voit ni immatriculation, on ne connaît pas l'armateur. Du coup, tout est supposition. Il y a d'où il vient, qu'est-ce qu'il a livré, quelles conditions il a dû traverser pour arriver ici, l'équipage. Alors voilà, ça invite à imaginer, à se poser des questions, à voyager. Juste voilà, on lève le nez, et ça c'est, je sais pas combien de dizaines de fois par jour, hein, mais bon, forcément on jette un œil sur la mer. Moi je suis tourné vers la terre, hein, au quotidien, quoi, c'est mon boulot, quoi. Le site, la plage, mais forcément la mer ça appelle, quoi. Donc on lève le nez, et là d'un coup, ça va très vite. Ça va très très vite, ça aide. 2-3 secondes, ça interpelle. On voit ce bateau énorme là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et ça, c'est des moments comme ça, c'est peut-être pas forcément tous les jours, encore que. Et c'est. En fait, si j'en fais la réflexion, c'est assez souvent. c'est quand même assez souvent. Ça file, c'est évanescent, après, on revient, sinon on n'est pas professionnel. On revient dans le quotidien, on revient dans la gestion du site. Et oui, je pense que c'est dès qu'on est au contact avec l'horizon, quoi. Je peux passer une journée dans une zone humide à suivre mes plantes ou à faire de l'abattage, du débroussaillage. C'est pas la même journée. C'est vrai, une journée de garde du littoral sans voir la mer, c'est une journée qui est un peu loupée quand même. Puis c'est parce qu'on recherche. Mais enfin, ceci dit, je pense que ça m'est jamais arrivé d'avoir une journée entière sur le site sans voir la mer, ou ne serait-ce que l'apercevoir, ou faire un détour justement pour la voir juste elle. Enfin, ce ne serait pas une bonne journée. Il y a quelque chose d'un petit peu viscéral. Il y a quelque chose qui va être un petit peu ancré. Qu'on soit marin, qu'on soit terrien, il y a cette chose dans le paysage. Ah ouais, c'est la maison, c'est. Au final, le paysage, c'est aussi un membre de la famille, quelque part. Il structure une vie, c'est évident. Et puis on s'en lasse pas, quoi. Quand on voit la mer, généralement, ça. Alors, même si c'est pour 2-3 secondes, on est content d'être là. Est-elle ou l'attraction du bord de mer ? Un documentaire d'Aline Pénuto, Vincent Courtois et Gilles Mardy-Rossian. Avec Jean-Pascal Le Yarrick, Tiffaine et Jean-Noël Livon, François Mallette, Yawen Sabot, Vincent Hinault et les sauveteurs de la SNSM d'Etel. Prise de son, Martin Traudec, Delphine Baudet, Pierre Henry. Mixage confiné, Régis Nicolas. Remerciements à la Compagnie de l'imprévu, la SNSM d'Etel et l'Atelier du Plateau. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter avant de vous rouler dans les rouleaux, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, la puissance des vagues. Mais en attendant, restons chez nous et restez à l'écoute.